L'actualité à Nancy et ailleurs. La MJC Jarville Jeune fait aussi sa rentrée. Nous a concocté un après-midi découverte de ses activités. Ça va se passer ce samedi 10 septembre. Aurore Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la communication pour le compte de la MJC. Alors, ce rendez-vous début septembre pour présenter toutes les activités, ça représente quoi pour vous à la MJC ? Alors, c'est l'occasion pour nos adhérents de découvrir tout ce qu'on peut proposer. Donc, nous aurons plein de professeurs qui seront là pour répondre aux questions de tous ceux qui passeront dans le coin. Tous les professeurs seront là. Combien d'activités on peut retrouver à la MJC ? Alors, on a 55 activités en tout, ce qui permet vraiment d'avoir plusieurs pôles. Donc, on a de l'art et de la culture, on a un pôle bien-être, on a plein d'activités de fitness, on a une grosse partie école de danse et école de musique, et on a des sports pour vraiment tous les âges. Tous les âges, à partir de quel âge ? À partir de tout petit, à partir de 6 mois, on peut avoir de la gym câline. La gym câline, expliquez-nous en quoi ça consiste. Eh bien, la gym câline, c'est pour apprendre aux tout petits à développer un peu de motricité. Et en plus, c'est un moment parent-enfant, puisque c'est une activité qui se pratique en binôme avec un parent, qui permettra à nos petits bambins de s'épanouir et de faire des galipettes et de grimper pour développer un peu la motricité. Pour les jeunes parents qui ont des enfants en très bas âge, une activité, la gym câline à la MJC Jarville. Quelle autre activité un peu phare vous proposez à Jarville ? Nous avons une nouvelle activité qui s'est ouverte cette année avec notre intervenante Chloé. Il propose de la marche nordique les jeudis matins pour impliquer toutes les chaînes musculaires du corps et puis faire un peu de sport après ces années de Covid. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle activité cette année. Ça n'existait pas avant. Voilà, c'est une toute nouvelle activité qui s'est ouverte cette année. D'autres nouveautés peut-être ? Alors, on a en fitness justement une activité aérobox qui commence cette année. Alors, nos adhérents ont déjà pu la connaître un petit peu durant les vacances. Mais du coup, notre intervenant Simon vous proposera de l'aérobox pour faire un peu de sport. L'aérobox, ça veut dire qu'il n'y a aucun contact, hein ? Non, on est quand même sympa. Pas mal d'activités physiques, hein, mais vous avez parlé aussi de musique et de danse. Hein. Exactement, on a un pôle, donc école de danse avec de la danse pour les tout petits. On commence avec de l'éveil vers 4 à 5 ans, jusqu'aux adultes même, avec de la danse moderne jazz pour les adultes jusqu'à tout âge. Et puis on a du street dance pour les enfants de 8 ans aux adultes. Et bien sûr, il y a Wilfried qui nous propose de la danse de couple avec tout un panel de danse en passant par le blues, le rock'n'roll, le roots, le boogie, pour tous les âges. Pour donc ce samedi 10 septembre, c'est un après-midi, bien, on va pouvoir découvrir un peu toutes ces activités. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? C'est à partir de quelle heure ? Alors, c'est de 13h30 à 17h. Ça se passe au bâtiment L'Atelier, au 106 rue de la République, juste en face de l'Intermarché. Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous pouvez passer dès que vous le souhaitez. Voilà, les professeurs seront disponibles pour répondre aux questions de tout le monde. Et puis, des animations seront proposées pour les petits et les grands. La MJC Jarville Jeune propose aussi une programmation de spectacles, d'expositions. D'ailleurs, il y aura une exposition de photos, je crois, visible ce samedi. Exactement. Alors, notre club photo présentera les images qu'ils ont capturées lors des spectacles de la saison culturelle précédente. Donc, voilà, une visite guidée même prévue pour 15h, si vous souhaitez plus d'informations. On a aussi le concours de dessin qui sera lancé à cette occasion. Voilà, les enfants peuvent déposer leurs plus beaux dessins sur le thème de l'environnement. Une urne sera déposée à l'entrée du bâtiment. Ils auront un mois pour les déposer et on les publiera sur notre page Facebook. Et le plus beau dessin, celui qui récoltera le plus de likes, se verra offrir un kit de dessin. Et pour les spectacles à venir, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, les spectacles à venir, nous avons prévu des scolaires pour les enfants, les Jarvillois, les enfants de Jarville, notamment en octobre, un spectacle de Robert Dame. D'accord. Donc, pour suivre votre actualité, comment on fait ? Pour suivre notre actualité, nous vous invitons à aller voir sur le site internet mjcjarvillejeune.fr. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook ou alors passer au bâtiment et nous serons ravis de vous renseigner. Voilà, et une occasion de passer au bâtiment, eh bien, c'est ce samedi 10 septembre à partir de 13h30, donc au 106 rue de la République à Jarville-la-Malgrange. Merci beaucoup, Aurore Morin. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.